Morichonzea sur la mise en onde. Bon après-midi à tous. Bienvenue à ce journal La langue française et la grande édition de ce samedi 6 octobre 2018. D'abord, les principaux titres. Et la plateforme des opposants en exil et Sénared a filmé qu'une fois invité. Elle peut prendre part au dialogue inter-Burundi prévu du 19 au 24 octobre à Arusha et reste convaincu que le vrai dialogue n'a pas encore eu lieu. Et du côté du parti Iprona, rien n'empêcherait que cette session soit la dernière. Un enseignant du lycée communal de Kigama, en commune Songa de la province de Bururi, est en cavale depuis ce mercredi. C'est après être surpris avec une fille avec elle. Il passait la nuit chez lui. Et en Ngozi, la direction provinciale de l'agriculture, élevage et environnement met en garde les bénéficiaires des frisons qui risquent des sanctions à l'emprisonnement s'ils ne les entretiennent pas comme il faut. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais tantôt, la plateforme de l'opposition en exil, le Sénared, répondra présente au cinquième round du dialogue inter-Burundi une fois invité sans exclusion. Le chargé de la communication au sein de cette formation politique estime que le vrai dialogue n'a pas encore commencé. Melchior Simbaruhije indique que son organisation met en avant un dialogue inclusif. Je vous prie de le suivre. Si le Sénared est invité, il répondra à ce dialogue d'Arusha. Une des grandes préoccupations du Sénared est parce que c'est par le dialogue qu'on peut résoudre tous les problèmes auquel fait face le peuple burundais. Une fois si le Sénared n'est pas invité comme coalition, allez-vous répondre réellement? Nous prenons un dialogue inclusif, un dialogue qui rassemble tout le monde. Tous les protagonistes dans le conflit burundais doivent être invités pour aboutir à une paix durable. Une fois invité, qu'est-ce que vous amènerez à Arusha comme point de discussion? Il faut d'abord que l'accord de paix d'Arusha pour la réconciliation soit restauré. Ça, c'est une condition. Il faut aussi que la constitution qui a initié soit restaurée. Parce que c'est la base de toutes les négociations. Donc c'est une des conditions sine qua non pour l'aboutissement du dialogue qui est prévu. Sur les invitations déjà reçues, il y a entre autres points à discuter, la feuille de route pour les élections de 2020. Allez-vous vous y conformer? Qu'est-ce que vous en dites? On ne peut pas penser aux élections sans qu'il y ait la stabilité. Donc la feuille de route, c'est la finalité. Il faut d'abord parler de tous les problèmes, évoquer tous les problèmes auxquels font face les Burundais. Et puis, si toutes les conditions sont réunies, on pourra penser aux élections. On n'a pas peur des élections. Mais il faut que toutes les conditions soient réunies pour penser à préparer les élections. Êtes-vous prêt à regagner votre terre natale après le cinquième round? Tout le monde voudrait entrer dans son pays. c'est notre pays, c'est le pays de tous les Burundais. Mais il faut que les conditions soient réunies. Les négociations n'ont jamais commencé. C'était Melchior Simba Ruhigé. Il est chargé de la communication au sein de la plateforme de l'opposition en exil, le Sénarède. Vous saurez que le Sénarède n'a pas encore reçu l'invitation à ce cinquième round, comme annoncé dans notre journal en Kirundi, et vous voudrez bien nous en excuser. Et le parti Iprona convié à la cinquième session du dialogue inter-Burundais trouvait que rien n'empêcherait que cette session soit la dernière. Abel Gachati, le président de ce parti, justifie que la feuille de route récemment signée par le politicien Kayanza et la mise en place de la commission électorale nationale indépendante sont les quelques pas déjà franchis. Il invite d'autres politiciens à participer à ce pourparler pour enrichir cette feuille de route de Kayanza. Suivez Abel Gachati, il est au micro de notre confrère Elinibert Nibigira. Nous avons reçu l'invitation de la part du facilitateur nous invitant à participer au cinquième round du dialogue inter-Burundais organisé à Arusha. Et l'Iprona a déjà reçu l'invitation et l'Iprona est prêt à participer à ce dialogue. C'est notamment discuter sur une feuille de route qui va nous mener vers les élections de 2020. Et là, on est rassuré, d'autant plus que le parti Iprona, avec les autres formations politiques, la feuille de route a été signée à Kayanza, qui va servir de modèle, car les partis participer à ce dialogue va aussi contribuer pour que nous ayons une feuille de route consensuelle, une feuille de route acceptable par tous les participants. Mais l'opposition externe dit ne pas être engagée par cette feuille de route que vous avez signée à Kayanza. Je pense que c'est leur droit de dire cela, mais je pense qu'à Arusha, quand le facilitateur aura cette feuille de route, il va inviter ses politiciens à s'imprégner du contenu de cette feuille de route et leur demander d'adhérer sur cet effet de route ou bien de contribuer. Tout dépendra de la façon dont le facilitateur va organiser ce cinquième round, mais au sein du parti Iprona, on est rassuré à voir les points déjà traités. Il y avait des questions que je dirais essentielles qui ont trouvé déjà solution. Là, je dirais la constitution. Il y a la CENI qui est déjà opérationnelle. Je pense qu'il reste peu de questions à discuter à Arusha pour dire que ce deuxième round peut être le dernier. Ça dépend donc du comportement des participants à ce cinquième round. S'il faut aller à Arusha, il faut y aller avec un esprit constructif, un esprit allant dans le sens de trouver une solution, allant dans le sens de conclure. Pour préparer les élections, vous avez parlé d'une feuille de route pour les élections de 2020, il y a la composition de la CENI. La composition de la CENI, je pense avoir les membres de cette CENI, ce sont des membres qui émanent des partis politiques, de la société civile, ce sont des gens intègres. Il faut vraiment avoir confiance à cette équipe de la CENI. C'était Abel Gachatil, le président du parti Iprona, et du côté de Bashingana, et l'on voudrait que ce cinquième round aboutisse à des résultats qui redonnent confiance au Burundi. Ils l'ont dit ce samedi lors de la célébration de la journée dédiée à Inahe et à Bashingana. Je vous prie de suivre Cassien Simbare, président de la commune du conseil provincial de Bashingana à mairie de Bujumbura. Nous souhaitons fermement, comme nous le faisons continuellement, nous souhaitons la paix, la convivialité des citoyens burundais dans la paix et dans la tranquillité. C'est pour cela que nous recommandons à ceux qui vont répondre au pourparlers qui s'ouvre à Arusha, je crois qu'ils sont convoqués pour la cinquième fois, qu'ils travaillent dans l'optique de chercher une véritable voie de construire une paix durable dans ce pays. Que les gens ne cherchent pas à tirer la couverture de leur côté. Le seul côté commun à tous, c'est le Burundi des Burundi et c'est tout notre vœu pour que ce cinquième pourparler aboutisse à un résultat palpable qui puisse donner confiance au Burundi. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Parlons justice transitionnelle à 13h04 dans les studios de la radio Isanganiro. Certains natifs et responsables de l'administration dans la commune de Mwaro estiment que l'identification de toutes les forces communes devrait précéder l'enterrement des restes des humains déjà exhumés. Ils l'ont dit ce vendredi au cours d'une réunion qui regroupait la CVR, les responsables administratifs et la société civile en province Ngozi, dans laquelle un comité d'analyse de cet enterrement a été mis en place. N'est-ce pas, Laurent Dikouri? Ce comité chargé de voir si l'enterrement des restes de personnes déjà exhumées sur la colline Gasegne en commune de Lusaka peut précéder ou non l'identification de toutes les fosses communes se trouvant dans tout le pays est composé de 8 personnes en province Moaro. Présidé par le conseil principal du gouvernement de cette province, ce comité est composé par l'administrateur de la commune de Lusaka, le chef de la zone Makamba, le chef de la colline Gasegne, le représentant de la COPA à Moaro, le curé de la paroisse Moaro et le chef de cabinet à la CVR, Gérard Fulanzima. Selon la société général de la CVR, Clotilde Niragira, ces restes de personnes exhumées sur la colline Gasegne en commune de Lusaka devraient être dignement enterrés juste à leur découverte, mais cela exigeait une préparation minutieuse. Casis Pierre Claver, natif de la commune de Lusaka, dit que comme c'est une activité de tout le pays et non celle de famille, la première étape devrait être l'identification de toutes les autres fosses communes du pays pour que l'enterrement dans la dignité ait lieu en même temps pour ne pas choquer les familles ayant perdu les leurs. Selon la secrétaire générale de la CVR, ces ossements des victimes déjà découverts peuvent être d'abord enterrés dignement. Par après, va suivre l'identification et la cartographie de toutes les fosses communes du pays, car cela exige beaucoup de moyens. Pour d'autres, la vie des familles des victimes est à considérer avant toute action. Signalons que les restes de ces personnes enterrées dans une fosse commune sur cette colline Gasegne ont été découverts lors des travaux de construction d'une école professionnelle sur cette colline. Merci à Laurent Dikouri de Moaro Kapsir Bourouli pour parler de cet enseignant du lycée communal Kigama en commune Songa qui est en cavale depuis mercredi. C'est après être surpris avec son élève avec qui il passait la nuit chez lui. Les parents de la victime et le directeur de cette école demandent au parquet de Bourouli de rechercher et de traduire en justice cet enseignant de Bourouli. Nous appelons Jean-Pierre Misako. Selon des sources sur place à Kigama, confirmées par Nestor Nizigimana, directeur du lycée communal de Kigama, Elias Mukezimana, enseignant à cette école, a disparu depuis son mercredi. Des voisins, accompagnés d'un parent et un frère d'une élève de cette école, et l'administration locale et la police venaient en effet de le surprendre après avoir passé toute une nuit avec son élève. Au moment où on recherchait la fille dans la parcelle voisine où il avait déplacé, après avoir constaté qu'il allait être attrapé, cet enseignant en a profité pour prendre le large. Le père de cet élève, qui dit qu'il n'a pas encore revu sa fille après sa sortie du cachot de la police de Songa le soir de ce jeudi, ainsi que le directeur du lycée communal de Kigama, demande au parquet de Bururi de rechercher cet enseignant et le traduire en justice, alors que le père de cette fille demande sa réintégration après être renvoyé définitivement de cette école. Le directeur concerné dit que cela n'est pas du tout possible, se référant au règlement scolaire, notamment en ce qui est de la violation du domicile des enseignants par les élèves. Au niveau du parquet de Bururi, l'on informe qu'on recherche activement cet enseignant qui avait un dossier similaire déjà pendant au tribunal de grande instance de Bururi. C'est après sa libération, dans des conditions encore obscures, après 3 mois d'incarcération sur un dossier similaire, la seule punition infligé à cet enseignant ayant été son limogeage à la préfecture des études de cette école. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci également à toi, Jean-Pierre Misago. Après 6 ans de l'existence de l'Institut Confucio, ce qui enseigne la langue anglaise et la culture chinoise à l'Université du Burundi, il y a un impact très significatif sur les étudiants et sur le pays. Cela est dit par le directeur de l'Institut Confucio au moment où ce samedi, c'est la journée internationale du 10 Institut Joseph Nzeyimana des Illusions. Cela qui pense qu'apprendre la langue et la culture chinoise, il s'agit d'une colonisation, tout en informant que dans les jours à venir, le Kirundi sera également dispensé dans les universités chinoises. Suivez Joseph Nzeyimana, il est au micro d'Evariste Nzikobanyang. L'Institut Confucius de l'Université du Burundi. C'est un institut qui a été créé dans le principal objectif de renforcer l'amitié entre le peuple burundais et le peuple chinois. Il enseigne la langue et la culture chinoise. On a commencé en 2012, ça veut dire que nous sommes à la sixième année de l'enseignement de la langue chinoise à l'Université du Burundi. Maintenant, nous approchons 7000 étudiants qui apprennent la langue et la culture chinoise. Vous couvrez combien de provinces? C'est seulement la mairie de Bujumbura et la ville de Gitega jusqu'à présent. Quelles sont les perspectives d'avenir? Les perspectives d'avenir, c'est essayer d'insérer la langue chinoise dans les cours ordinaires de l'école, dans les écoles secondaires, dans le cursus de l'université et dans les écoles secondaires. L'Institut a été finalement une plateforme des échanges culturels entre les jeunes Burundais et les jeunes Chinois. Parce que chaque année, les jeunes Burundais, ils passent des concours, des compétitions, des questions envoyées de la Chine et ils réussissent très bien. Et au niveau de l'Afrique et au niveau mondial, nous avons une bonne place. Celui qui voit l'enseignement du chinois, la culture chinoise, peut penser à la colonisation chinoise. Est-ce qu'il y a-t-il un projet d'exporter le Kirundi en Chine? Au début, on se posait les mêmes questions. On posait la question à l'ambassade, on posait la question à ses directeurs chinois de l'Institut Confucius. Mais après, ils ont compris. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que les jeunes Burundais avaient un engouement exceptionnel d'apprendre le chinois et ils réussissaient très bien au niveau de l'Afrique. Alors eux, ils ont voulu quand même lever ce défi. Ils sont en train d'élaborer un programme d'enseignement du Kirundi à l'Université des langues de Pékin. Dans cette université, il y a déjà 60 pays du monde entier qui enseignent leur langue. Donc le Kirundi va être peut-être la 61e langue qui va être enseignée dans cette Université des langues de Pékin. Et les attestations de réussite, et des attestations de réussite provisoires, je m'excuse, peuvent être présentées par les candidats voudront se faire inscrire dans le recrutement en cours au corps de la police. Les précisions sont du porte-parole du ministère de la Sécurité publique, gestion des catastrophes, Pierre Ngourikiye. C'était ce vendredi au cours d'une conférence de presse. Pierre Ngourikiye a précisé qu'il peut y avoir des candidats qui n'ont pas encore reçu leur diplôme, mais voulant se faire inscrire dans ce corps de la police. Et le centre des soins médicaux de Gitega connaît un problème majeur d'exiguïté de son espace d'implantation. Son directeur réclame l'espace suffisant pour son extension afin de mieux servir les patients qui sont devenus de plus en plus nombreux, n'est-ce pas, Gérard Nibigila depuis Gitega? Frère Herménagir Dendouimana, directeur du centre des soins mentaux de Gitega, fait savoir qu'un des problèmes majeurs dont souffre ce centre est l'exiguïté de l'espace et de son implantation. Suite à cette exiguïté, frère Herménagir Dendouimana précise qu'il est souvent difficile de loger plusieurs malades mentaux. Il ajoute que même des fois, un patient en convalescence se retrouve dans une chambre d'hospitalisation avec un nouveau patient et consécutivement, le malade convalescent risque de subir une rechute. C'est surtout que, expliquait-il, un malade mental parle beaucoup, marche souvent et a tendance à courir et même brise tout objet se trouvant à ses côtés. Frère Herménagir déclare que s'il y avait de l'espace pour le centre, ce centre connaîtrait une extension pour accueillir beaucoup plus de patients. Cependant, Iram Bona Aimé, chef de l'urbanisme dans la région centre-est du pays, indique que les frères responsables du centre du soin mentaux de Gitega l'ont approché pour solliciter un espace gratuit pour ce centre. À propos, Iram Bona Aimé souligne qu'il n'y a pas de parcelle gratuite, mais que lorsque le centre des soins mentaux payerait des frais nécessaires, un espace pour son extension lui sera offerte. Le centre des soins mentaux de Gitega a été construit en 2011 par les Frères de la Charité et a déjà accueilli environ 5000 malades mentaux. Depuis Gitega, Jean-Yves Guilla pour la radio Isanganiro. Merci également à Gérard Nibigila. Pour clore cette édition, l'administration provinciale et la direction provinciale de l'agriculture, élevage et environnement dans la province d'Ongozi mettent en garde certains bénéficiaires de free zone du programme ProDéfi que des sanctions allant jusqu'à l'emprisonnement sont prises à leur endroit. Cette mise en garde tombe après le constat de la vente illicite de ce don avant même la remise et des sacs de ciment destinés à la construction des étables sont également détournés selon ces autorités, n'est-ce pas, Apollinaire Muzagara de Puingoz. La province Ngozi a déjà bénéficié de 154 free zones depuis le début de cette année 2018. Mardi prochain, 53 autres restants seront octroyés à la population des communes Gachikanoa et Tangara afin d'atteindre les 297 que le programme Prodéfi a réservé à cette province pour cette année 2018. Le Prodéfi donne également 6 sacs de ciment à chaque bénéficiaire pour la construction d'une étable. Force est de constater que bon nombre de ces sacs sont vendus pour n'en utiliser qu'un, deux ou plus trois dans la construction de ce local. Conséquence, cette étable qui devrait durer des années ne reste même pas 5 mois intacte, comme ça a été constaté dernièrement en commune Marangar. Les mêmes bénéficiaires n'hésitent même pas à vendre à moitié son don aux voisins avant même la distribution de ses vaches, et cela à un prix dérisoire de 150 000 francs au plus 200 000 francs. Au terme d'une réunion de ce vendredi, bon nombre de mesures ont été prises afin d'identifier les auteurs de cela. Ces vaches leur seront retirées, puis leurs bénéficiaires conduits devant les juges ont décidé les responsables provinciaux de l'administration de l'agriculture et de l'élevage. Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Sangani. Merci également à Apollinaire Muzagara. Et un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Benoît Morichonzi qui assure la mise en onde. Tout de suite, vous retrouvez Jean-Bosco Ndouimana et Eline Bérenibigila pour la revue de la presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. Suspension des ONG, Baranda Guillet rectifie le tir. C'est ainsi que le journal Iwacu titre la une de sa apparition de ce week-end, avec un portrait du ministre de l'Intérieur dans un regard fixe et un index levé. En effet, le ministre de l'Intérieur a rencontré mardi 2 octobre les représentants des ONG étrangères pour mettre un petit bémol et donner des précisions sur la mise en application de la mesure controversée du Conseil national de sécurité qui venait de suspendre pour 3 mois les activités des organisations non gouvernementales à partir du 1er octobre. Cette mesure a effectivement provoqué un tollé, puisque, comme le fait remarquer Iwacu, ceux qui s'y opposent parlent de machinations sectaires et politiques derrière cette mesure. De leur côté, les partisans de la mesure estiment plutôt que c'est une façon de les inciter à travailler dans la légalité et à respecter les engagements. L'éditorialiste d'Iwacu estime que les pouvoirs publics sont dans leur rôle de contrôler, recadrer, réguler les activités des ONG. Toutefois, nuance notre confrère, la mesure n'aurait pas créé une onde de choc dans les esprits si le Conseil avait traité la question cas par cas. Et pour lui, il reste à espérer une meilleure collaboration entre le Burundi et les différentes ONG qui sont nécessaires pour le développement. Nos confrères de la communauté des blogueurs Yaga montrent quant à eux que malgré la mise au point du ministère de l'Intérieur, c'est l'incertitude puisque la décision pénalise tout le monde et que la situation est lourde de conséquences économiques, humanitaires et diplomatiques. Revue de la presse. Mieux vaut prévenir que guérir. L'autorité de l'aviation civile du Burundi l'a bien compris, selon l'agence burundaise de presse, qui rapporte que c'est pour cette raison qu'en collaboration avec la Direction générale de la protection civile et la gestion des catastrophes, ainsi que les services techniques municipaux, ils ont entamé des travaux de curage de la rivière Mutimbuzi pour remédier au phénomène d'inondation dont est souvent victime l'aéroport international de Bujumbura. Le directeur général de la protection civile et la gestion des catastrophe explique quant à lui dans les colonnes de la BP que ces travaux de curage ont été rapidement exécutés suite aux informations d'Origebu selon lesquelles le nord-ouest du Burundi, à savoir les provinces Bujumbura, Bubanza et Chibitoke, connaîtront des pluies supérieures à la normale. Toujours dans le cadre de l'environnement, les inondations seront-elles maîtrisées? S'interroge Burundi Echo en titre. Ce journal revient sur les travaux de construction d'un bassin d'écrêtement sur la rivière Gasenyi qui traverse les quartiers Gatunguru et Charam. Selon Dr. Catherine Bouchoumi, directrice générale de l'Agence burundaise pour la réalisation des travaux d'intérêt public à Boutip, le bassin d'écrêtement en cours de construction sur la rivière Gasenyi dans le quartier Charama aura un périmètre de 267 mètres et ses travaux pourront se clôturer à la fin du mois de décembre 2018. Elle sera construite en béton armé. Sa capacité d'accueil sera de 18 000 mètres cubes. Son rôle se limite à atténuer le volume de l'eau de la rivière Gasenyi qui inondait régulièrement le quartier Charama. Selon toujours Madame Uchumi, dans les colonnes de Burundi Echo, les canalisations et le bassin d'écrêtement ne suffisent pas pour dompter la rivière Gasenyi. Les inondations des quartiers Charama et Gatunguru ne peuvent être palliées qu'en entreprenant des travaux de grande envergure tels que l'aménagement des bassins versants de cette rivière en amont dans les collines surplombant la ville de Bujumbura. Le bassin d'écrêtement est une infrastructure d'une importance capitale. Il faut assurer son entretien pour éviter les effets inverses après sa construction. Un clin d'œil de la directrice de la Boutip à la mairie de Bujumbura, selon toujours nos confrères de Burundi Echo. Le journal La Voix de l'enseignant est longuement revenu sur la journée mondiale des enseignants. Célébrée chaque année le 5 octobre depuis 1994, la Journée mondiale des enseignants de cette année est centrée sur la relation entre le droit à l'éducation, qui est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié. Ce thème n'est pas anodin dans le contexte scolaire burundais, caractérisé par une formation initiale insuffisante des enseignants et l'absence de perfectionnement professionnel pendant leur carrière sur la qualité du savoir qu'ils transmettent aux apprenants. Son confrère explique par ailleurs que l'introduction de nouveaux cours dans le cadre du système fondamental et post-fondamental fait que plusieurs enseignants dispensent des matières dans lesquelles ils ne sont pas qualifiés. Raison pour laquelle les enseignants demandent au gouvernement de leur fournir une formation continue afin de les soutenir dans leur rôle essentiel d'éducateur de tous les enfants et de toutes les conditions. Ainsi se referme cette revue de presse présentée par Elini Bel Nibigira et Jean Bosco Nduimana. À la prochaine. Revue de la presse.